Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Nadia Comaneci ou l'envers du triomphe. La vie, le destin de Nadia Comaneci, c'est l'histoire d'une villageoise née au cœur des Carpates roumaines un jour d'hiver 1961. À 6 ans, elle commence la gymnastique. À 14 ans et demi, elle est médaillée d'or aux Jeux Olympiques d'été de Montréal. Nous sommes le 18 juillet 1976, et pour la première fois dans l'histoire de ce sport, un jury décerne la note parfaite 10 sur 10. Aux barres asymétriques, sur la poutre, Nadia Comaneci s'élance dans le vide, retombe toujours sur ses pieds sans une hésitation. Alors, revoir ces images procure aujourd'hui encore une émotion particulière. On frissonne à la vue de ces figures incroyables qui provoquent cris et stupéfaction dans le public. Elle est rebaptisée la petite fée de Montréal. Elle devient peu à peu un mythe planétaire. C'est le côté lumineux de son histoire. Mais la vie de Nadia Comaneci, c'est aussi la vie d'une petite fille qui grandit en République socialiste de Roumanie. Elle a 4 ans lorsque Nicolae Ceaușescu accède au pouvoir. Pendant 24 ans, cet homme va régner en maître absolu sur son pays. Ce dictateur au regard de fou instaure un régime tyrannique, c'est Ubu Roi dans le bloc de l'Est. Un temps, Nadia Comaneci est son faire-valoir auprès des Roumains et des Occidentaux. Pensez donc, une petite communiste qui détraque les lois de la gravité en quelques sauts périlleux, c'est tellement précieux pour le régime en place. C'est enfin l'histoire d'une femme timide, indépendante, prisonnière d'un enjeu politique qui la dépasse, objet de nombreux fantasmes. Elle connaîtra la chute, puis l'exil, c'est le côté sombre de son destin. Pour en parler, nous recevrons en deuxième partie d'émission l'historienne Catherine Durandin. Spécialiste de la Roumanie, elle a écrit plusieurs livres de référence sur la dictature du couple Ceaușescu et elle publiera prochainement un ouvrage intitulé « Ma Roumanie communiste ». Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Margot Opinel avec l'appui des documentalistes de Radio France, coordination Christophe Barrère, attaché de production Caroline Debray, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Patrick Henry. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Dimanche 18 juillet 1976, JO d'été de Montréal. La jeune gymnaste soviétique Olga Korbut, 21 ans, termine son enchaînement aux barres asymétriques. C'est la grande favorite de ces Jeux, sacrée championne olympique il y a 4 ans à Munich. Une fois encore, elle impressionne le public et le jury par sa maîtrise, son rythme. 9,90 sur 10, la médaille d'or est toute proche. On appelle alors le numéro 73, une certaine Nadia Comaneci, pour la Roumanie. La petite gymnaste n'a pas encore 15 ans, visage diaphane, à moitié caché derrière sa frange. Elle réajuste sa queue de cheval, retenue par un ruban rouge et blanc, et sans un sourire, elle s'avance devant les barres. Elle s'élance, aucun temps mort, à peine quelques soupirs, les éléments s'enchaînent. Elle lâche la barre supérieure, salto avant, jambes écartées, la rattrape. Elle vient d'inventer le salto Comaneci, une figure inédite. Les commentateurs peinent à trouver les mots et finissent par s'avouer vaincus, donc séduits. Le silence règne dans le gigantesque forum de Montréal. Du haut de ses 1,55 m et de ses 38 kg, Nadia Comaneci semble défier les lois de la pesanteur. Une reine. La reine, c'est Nadia Comaneci. La Roumaine, elle a 15 ans et c'est vraiment la reine de la gymnastique actuellement. Regardez, cela se passe de commentaires. Et puis, regardez ces images, c'est sans doute la plus belle exhibition depuis le début des Jeux Olympiques de Montréal. Nadia Comaneci, Roumanie, aux barres asymétriques. Regardez, c'est tellement fabuleux de beauté, de précision, de travail aussi, que tout commentaire est superflu. Le grand événement de cette quatrième journée olympique, c'était donc, incontestablement, l'extraordinaire exhibition de la petite Roumaine Nadia Comaneci. Nadia Comaneci, aux barres asymétriques. Nadia qui danse, qui vole autour des deux barres. Ce n'est plus du sport, c'est autre chose. Elle termine son enchaînement par un saut de l'ange. Réception parfaite, les pieds comme ancrés dans le sol. Sans ciller, elle salue le public, les juges et embrasse ses coéquipières. Pas un regard au tableau d'affichage, non, concentré. Nadia Comaneci se prépare déjà pour son prochain agrès, la poutre. Soudain, une clameur assourdissante se fait entendre. Sa note s'affiche face aux caméras du monde entier. 1 sur 10. 1,00. Nadia se retourne vers son entraîneur, Bella Caroli. Mais qu'a-t-elle fait pour mériter ça? Mais déjà, les juges, eux, se sont levés, sortant de leur réserve habituelle. Le public, lui aussi, est debout. 18 000 personnes applaudissent à tout rompre. Nadia semble être la dernière à comprendre. 1,00. En fait, c'est un 10. Oui, 10 sur 10. Un sans faute. Du jamais vu. Les compteurs olympiques ne sont pas prévus pour aller au-delà de 9,99. La perfection était impensable. Michel Thiebaud fait partie des jurés internationaux. Elle explique sa note au micro de France Inter. On a dû donner 10 parce qu'on était parti vraiment très haut pour les premières notes et que les premières gymnastes qui ont passé, n'ayant pas la valeur de Nadia, on a été obligé par la suite de monter tout de suite les notes pour les très bonnes gymnastes soviétiques et roumaines. Et on s'est trouvé bloqué en somme, et pas pouvoir aller... Je pense moi aussi que la différence entre le travail fait par Nadia Comaneci et les soviétiques aurait dû avoir un plus grand écart par rapport aux gymnastes qui avaient passé autour d'avant. En ce 18 juillet 1976, en moins de 90 secondes, Nadia Comaneci entre dans l'histoire de la gymnastique. Elle a 14 ans et demi. Oubliez Olga Korbut, Nelly Kim ou Lyudmila Turysheva, les reines soviétiques, 6 fois championnes olympiques d'affilée par équipe, se font voler la vedette par une petite roumaine. Sur la poutre maintenant, large de 10 cm, Nadia évolue comme sur la terre ferme. Elle marche, elle saute, elle danse et retrouve chaque fois l'étroite bande de bois. Elle sort sur un salto arrière tendu vrillé, impeccable. Et c'est encore un 10 sur 10. La foule exulte. Nadia, elle, reste impassible, sérieuse, introvertie. Au total, elle obtient 7 fois la note parfaite. Elle termine les Jeux Olympiques de Montréal avec 5 médailles, 3 en or, 1 en argent par équipe et 1 en bronze au sol. Le corps de Nadia Comaneci, maillot blanc et lancé dans les airs, s'imprime alors à la une des journaux du monde entier. Et on rivalise de surnoms et de superlatifs tant la gamine paraît irréelle. Au Canada, elle est définitivement rebaptisée la petite fée de Montréal. En France, Antoine Blondin, journaliste à l'équipe, s'interroge. Gymnaste, ballerine ou sylphide, lovée aux barres asymétriques, elle passe de l'une à l'autre dans un éclair souple de perruche. Ne cherchez plus l'ange blanc, le voilà. C'est que Nadia fascine autant par ses performances physiques que par son élégance enfantine. À l'inverse des gymnastes russes au corps puissant sculpté par l'effort, la roumaine est une brindille, légère et souple. Elle est ce qu'on appelle alors le produit type de la génération des poupées gymnastes. Recrutée de plus en plus jeune, entraînée quotidiennement aux exercices les plus complexes, répétée à l'infini. En 1976, l'âge moyen de l'équipe roumaine est de 16 ans et demi. Nadia, elle, a tout juste l'âge limite, 14 ans. Ce n'est donc qu'une enfant lorsqu'elle devient une star internationale. Sa poupée sous le bras, elle répond timidement à la journaliste française Monique Cara. Est-ce que ça a été très difficile? Non, ce n'est pas très difficile. Il a fallu beaucoup travailler. Oui, je travaille. C'est une école spéciale de gymnastique que vous êtes. C'est une école où nous ferons école et gymnastique. C'est ça. Et qu'est-ce que vous préférez, l'école ou la gymnastique? La gymnastique et puis l'école. Alors, comment se passe une de vos journées? Le matin, je vais à l'école, 4 ou 5 heures, et puis je mange. Et après-midi, je fais entraînement, 3 heures par jour. Et quels sont vos loisirs préférés? Qu'est-ce que vous aimez faire en dehors de la gymnastique? Je lis, je me promène avec le bicyclette. Là, maintenant, vous allez vous reposer un petit peu. Oui, je vais pour visiter Canada. Je veux travailler pour Moscou. J'espère que je fais un bon résultat. Les JO de Moscou, programmés en 1980, on en reparlera. Le 27 juillet 1976, les petites gymnastes roumaines Nadia, Mariana, Georgeta, Anca, Gabriela et Teodora, accompagnées par leurs entraîneurs Bella et Marta Caroli, rentrent au pays. tout ce petit monde laisse derrière lui la capitale québécoise, son village olympique et son beurre de cacahuètes. Retour en République socialiste de Roumanie, de l'autre côté du rideau de fer, en pleine guerre froide. À l'aéroport de Bucarest, ils sont près de 10 000 à attendre le retour de l'enfant prodige. Cris de joie, bouquets de fleurs et flashs par milliers. À sa sortie de l'avion, Nadia Comăneci est acclamée par la foule. Lorsqu'elle a quitté son pays 10 jours plus tôt, elle n'était qu'une jeune gymnaste prometteuse. Aujourd'hui, elle est l'icône de tout un peuple. Elle va devenir le symbole d'un régime à son corps d'athlète défendant. Après son arrivée à Bucarest, elle est invitée au bâtiment du comité central de la République socialiste de Roumanie. Le président Nicolae Ceaușescu l'accueille sur le pas de la porte. Voilà 12 ans qu'il a pris le pouvoir. Réputé comme faible et facilement manipulable au moment de sa domination en 1965, il a lentement mais sûrement installé son emprise sur tout le pays. Adepte du culte de la personnalité, il s'autoproclame le fils le plus aimé du peuple, le génie des Carpates, voire le Danube de la pensée. Avec sa femme, Elena Ceaușescu, ils détiennent tous les pouvoirs. Ce sont les Thénardier du Bloc de l'Est, ils finiront dans le caniveau 13 ans plus tard. Au cours de cette cérémonie officielle, Nadia Comăneci reçoit des mains du dictateur la médaille de héros du travail socialiste, la plus prestigieuse des récompenses. L'enfant semble dépassé par l'ampleur de l'événement. Timide et appliquée, elle récite son discours de remerciement. « Je suis très touché parce que aucun titre et aucune médaille au monde n'ont autant de valeur que la distinction que votre propre pays vous accorde. » Avec elle, les Ceaușescu comptent bien nourrir leur propagande. Regardez ce que le régime est capable de créer, un petit génie qui fait oublier la suprématie de l'URSS et des États-Unis. Après les honneurs, Nadia Comăneci rentre chez elle. Elle habite à 300 km de la capitale, à Onești, petit village de la province moldave. Ici, elle retrouve ses parents, Stefania et George, son petit frère Adrian et son quotidien sportif. Elle a commencé la gymnastique à 6 ans, repérée par Bella Caroli, qui l'entraîne depuis 6 jours sur 7, 4 heures par jour. Elle répète ses enchaînements sans relâche. Une enfance sacrifiée, diraient certains. Pas elle, car la gymnastique est un jeu qu'elle veut maîtriser à la perfection, une passion, quoi. Dans le documentaire Nadia Comăneci, la gymnaste et le dictateur, réalisé par Paula Rapaport et produit par Roche Productions en 2016, Bella Caroli se souvient de ses méthodes d'entraînement et de la persévérance de la jeune Nadia. À l'époque, on nous avait proposé de diriger l'école de gymnastique qui venait d'ouvrir à Onești. On a dit oui. Évidemment, en tant qu'équipe et couple, Marta et moi, on se partageait les responsabilités. Marta s'occupait de la préparation artistique, de la poutre en particulier, mais aussi des exercices au sol. Moi, j'ai toujours été responsable du saut de cheval et des barres asymétriques. La condition physique des filles, c'était moi aussi. J'ordonne, les filles, 10 pompes. Je me retourne, et combien elle en avait fait ? 20. C'est Nadia, c'est ma battante, celle qui va devenir une grande star. Dès ses premières compétitions, la petite sourdouée impressionne les jurés. À 9 ans, elle remporte le championnat de Roumanie. À 13 ans, elle est sacrée championne d'Europe à Skien, en Norvège, la plus jeune de l'histoire. Avec Nadia Comăneci, la gymnastique roumaine sort de l'anonymat et finit par triompher en 1976 au JO de Montréal. Les petites gymnastes roumaines ont désormais un rang à tenir. Elles doivent gagner toutes les compétitions, exigences gouvernementales. Leur entraîneur, Bella Caroli, devient de plus en plus sévère, autoritaire, protecteur. Nadia Comăneci s'entraîne 8 heures par jour. Tout ce qu'elle mange est contrôlé, mesuré au gramme près. Elle entre dans l'adolescence et ne connaît rien des plaisirs de son âge. En mai 1977, au championnat d'Europe de Prague, c'est son grand retour. Un an après son sacre à Montréal, le public découvre une nouvelle championne. Elle a coupé ses couettes, abandonné son corps androgyne, mais n'a rien perdu de sa maîtrise. Pourtant, la compétition s'arrête prématurément pour l'équipe roumaine. 6 cm et 3 kg de plus, Eh bien, vous allez le voir, le petit elfe de Montréal s'est un peu épaissi, mais ce n'est pas du tout pour cette raison que la Roumanie a décidé de ne plus participer à aucune réunion internationale de gymnastique jusqu'à ce que des changements soient intervenus dans le règlement de la compétition. En effet, c'était aujourd'hui la deuxième journée des championnats d'Europe féminins à Prague, consacrée aux finales par engin. Alors Nadia obtient à la poutre la meilleure note, 10, comme à Montréal, mais elle ne se présente pas sur le podium et ne participe pas ensuite à la compétition au sol. Mécontent parce que Nadia avait été devancée par la soviétique Nelly Kim au saut de cheval, eh bien les Roumains ont retiré leur équipe de ces championnats. En réalité, c'est le président Ceausescu lui-même qui a ordonné aux gymnastes roumains de quitter la compétition, furieux de voir son équipe devancée par les Russes. Les commentateurs le répètent, stupéfait, on n'a jamais vu ça, jamais. Quelques semaines plus tard, le gouvernement roumain sépare Nadia Comăneci de son entraîneur Bela Caroli. Officiellement, Bela est envoyée à Deva, à l'ouest du pays, pour ouvrir un nouveau centre d'entraînement. Mais la vraie raison, c'est que Nicolae Ceausescu ne supporte pas de partager la célébrité de Nadia avec cet homme d'origine hongroise, de surcroît. La gymnaste est donc envoyée à Bucarest, la capitale. Loin de son village, elle découvre alors d'autres méthodes d'entraînement plus souples. Elle peut enfin aller au cinéma, sortir en discothèque. Une liberté nouvelle, mais surveillée très près. Trois hommes de la Securitat, la police politique secrète, bras armés du parti, la suivent jour et nuit. Nadia perd tous ses repères et le divorce de ses parents la plonge dans un profond mal-être. Et son niveau en gymnastique dégringole. En 1978, cinq semaines avant les championnats du monde de Strasbourg, Nadia n'est plus en condition pour concourir. Impensable, réplique Ceausescu, son trésor national doit gagner. Il n'a pas le choix. Il la renvoie immédiatement auprès de son entraîneur, Bela Caroli. Dans le nouveau centre international de gymnastique de Deva, à l'ouest du pays, elle reprend les entraînements intensifs, commence un régime draconien. Mais comment rattraper une année en seulement cinq semaines? Alors, ce qui devait arriver arrive. Au championnat du monde de Strasbourg, ses gestes sont moins assurés, moins aériens. Pour la première fois en compétition, elle chute aux barres asymétriques. Silence dans l'assistance. L'ange blanc s'est brûlé les ailes. Certains la disent finie, Nadia s'en moque. Au lendemain de la compétition, elle retourne s'entraîner au centre national de Deva. Pendant des mois, aux côtés de l'intransigeant Bella, elle remuscle son corps, patiemment. Course à pied, pompe, traction. En sortant des entraînements, elle peut à peine marcher. Pour Nadia, ce n'est pas un sacrifice, non. Car elle veut retrouver les sommets, qu'importe le prix. Un an plus tard, au championnat d'Europe de Copenhague, au Danemark, elle retrouve toute son assurance et sa grâce. Elle excelle au concours général, au sol et au saut de cheval. Trois médailles d'or. Au concours général, elle remporte pour la troisième fois consécutive le titre européen, devenant la première gymnaste à réaliser une telle performance. Mais sur la poutre, elle vacille. Une microseconde d'hésitation, elle obtient la médaille de bronze. Pour les commentateurs sportifs, c'était son chant du cygne. À 18 ans, c'est une vieille. Elle doit maintenant laisser la place aux nouvelles poupées gymnastes. L'année prochaine, ce sont les Jeux Olympiques de Moscou. 4 ans après Montréal, elle compte bien garder le trophée, Nadia. Mais en est-elle encore capable ? ce samedi 19 juillet, sous un ciel enfin clair, sinon serein, le drapeau olympique amené par 8 jeunes gens allait être hissé au mât dressé dans le grand stade Lénine de Moscou. Les Jeux de la 22e Olympiade sont ouverts après que le traditionnel défilé des délégations ait été un rappel des événements politiques qui ont dénaturé l'universalité de l'olympisme. On ne peut alors ne pas penser aux 58 nations absentes, aux plus grandes, États-Unis, Chine, Canada, Allemagne de l'Ouest. On ne peut ne pas être troublé par l'abstention de nombreuses délégations au défilé, dont celle de la France, par la substitution des drapeaux olympiques ou de comités aux emblèmes nationaux. Mais dans ce grand stade où 100 000 spectateurs, essentiellement soviétiques, avaient pris place, l'entrée de la flamme olympique portée par l'athlète Saneyev rend au sport sa primauté. Samedi 19 juillet 1980, les Jeux Olympiques d'été de Moscou s'ouvrent dans un contexte géopolitique particulièrement tendu. Quelques mois plus tôt, le 25 décembre 1979, les troupes soviétiques ont envahi l'Afghanistan. En protestation, les Américains appellent au boycott des Jeux. Ils sont suivis par une cinquantaine de pays, dont la République fédérale d'Allemagne, le Japon, le Canada ou encore la Chine. La guerre froide fait souffler un vent glacial sur Moscou et l'ambiance est surréaliste. Pour l'occasion, la capitale est vidée de ses habitants par les autorités. 200 000 militaires sont mobilisés et les contrôles sont permanents. Parmi les nations présentes, la Roumanie, pays du bloc de l'Est. Ici à Moscou, les athlètes roumains vont défier les plus grands adversaires, leurs plus grands adversaires, les Russes, sur leur terrain. Pour l'équipe féminine de gymnastique, il s'agit de conserver le titre 4 ans après les JO de Montréal. Nadia Comăneci, 18 ans et demi, devenue star à 14 ans, est aujourd'hui la doyenne de l'équipe roumaine. Le public, les journalistes, le jury, tous trépignent d'impatience. Vont-ils retrouver leur petite fée ? La compétition commence par le concours général par équipe et les soviétiques dominent. Portés par des gymnastes de renom comme Nelly Kim, l'URSS monte finalement sur la première marche du podium, devant la Roumanie et l'Allemagne de l'Est. C'est maintenant au tour des épreuves individuelles. Nous sommes le mercredi 23 juillet 1980. Le Dossard 50 est appelé aux barres asymétriques. Nadia Comăneci se lève et salue le forum de Moscou. Sensation de déjà-vu, c'est sur cet agrès qu'elle avait obtenu 4 ans plus tôt le premier 10 sur 10 de l'histoire de la gymnastique. Nadia Comăneci est en tête. Il lui reste un dernier enchaînement, celui des barres asymétriques. Son appareil favori qui lui a valu un 10 à Montréal et une médaille d'or. Mais ici, la chance n'est pas avec elle. Sur un Denchev, elle rate sa prise de barre et c'est la chute. 50 centièmes de pénalisation qui la font rétrograder de la première à la quatrième place. Tout n'est pas perdu, bien sûr. Il reste encore le concours général demain, mais 30 centièmes à remonter, ce sera très difficile. Au lendemain de sa chute, Nadia revient sur la poutre. Dernière épreuve, dernière chance de remporter la médaille d'or au concours général individuel. Face à elle, Yelena Davidova, 19 ans. La soviétique au corps d'enfant, petite et légère, est la nouvelle coqueluche de ces Jeux. Elles sont au coude à coude. Nadia est la dernière à passer. Pour gagner, il lui faut impérativement 9,95 sur 10, 5 centièmes de moins, et c'est la médaille d'argent. La tension est à son comble. Alors, les abdos serrés, incroyablement souples, Nadia évolue sur la poutre. Elle est sublime au sommet de son art. Hélas, à la moitié de son enchaînement, une petite hésitation, un léger déséquilibre à la réception d'un salto avant. Elle termine son exercice par une belle sortie vrillée. Son entraîneur Bella Caroli lève les bras en signe de victoire. Il y croit, il l'embrasse sur le front. Sa Nadia est imbattable. De leur côté, les juges polémiques, ils tentent de concilier les nécessités du sport et celles de la politique. Une attente interminable, 35 minutes de délibération et le coup près tombe, 9,85 pour Nadia Comăneci, donc médaille d'argent. Et là, celle qui ne souriait jamais pleure face aux caméras du monde entier. Stupéfait, la voix off du reporter de la NBC répète « Elle pleure, oh là là, elle pleure, toutes les larmes de son corps. » Nadia rentre en Roumanie avec 4 médailles et un goût amer. Fini l'aventure, le conte de fées s'arrête ici. C'est le début de ses années noires, une longue traversée du désert qui l'amènera jusqu'à l'exil. En avril 1981, un an après les JO de Moscou, l'équipe roumaine est invitée aux États-Unis pour une tournée à travers le pays. Dans l'avion, Nadia retrouve Bella et Marta Caroli, ses entraîneurs, suivis de très près par plusieurs membres de la Securitat. Georgescu s'est toujours méfié de Bella, trop indépendant, un brin mégalomane et hongrois, surtout. La tournée se termine à New York. La veille de leur départ, l'entraîneur s'était confié à Nadia. Il ne rentrera pas en Roumanie. Avec sa femme, ils ont demandé l'asile politique aux États-Unis. Bien sûr, Nadia ne peut pas rester avec eux, elle est trop jeune. Et puis ses parents, s'ils fuient à l'ouest, ils en subiront les conséquences. C'est donc seule qu'elle rentre en Roumanie, orpheline. Bella lui est accusée de haute trahison, ses biens sont confisqués, ses proches mis sous surveillance renforcée. L'étau se resserre autour de Nadia Comăneci. Plus question de quitter le pays, Ceaușescu ne supporterait pas un deuxième scandale. Alors, on lui refuse tout visa. Prisonnière à l'intérieur de son pays, comme beaucoup de ses compatriotes d'ailleurs, elle s'exprime pour la dernière fois devant les médias français en juillet 1981, lors des championnats du monde universitaire de Bucarest. Accompagnée par une amie, elle répond aux journalistes de TF1. Oui, mais pas question d'évoquer la défection de son entraîneur, ni même ses doutes professionnels. Le discours est bien rodé dans une langue constituée du même matériau que les poutres sur lesquelles elle a tant brillé. Je me sens très bien parce que tout le monde m'aime. Nadia, après plus de 10 ans de gymnastique, est-ce que vous n'êtes pas fatiguée de la gymnastique? Non, non. J'aime la gymnastique, mais je ne suis pas fatiguée. Vous voulez continuer encore? Oui. Vous préparez les championnats du monde à Moscou maintenant? Oui, le championnat du monde et autres compétitions. L'année prochaine. L'année prochaine. Elle a beaucoup de chances de gagner. Vous pensez qu'au championnat du monde, elle retrouvera toute sa vivacité Oui, je crois que c'est possible. Après une courte vacance, elle peut commencer les entraînements. Et vous, Nadia, vous n'avez pas peur des petites gymnastes qui viennent après vous Pourquoi? Après 1981, la Roumanie se ferme un peu plus encore. Le couple Ceaușescu-Nicolae et Elena durcit sa politique jusqu'à plonger le pays dans le cauchemar. Pour rembourser la dette roumaine auprès des pays occidentaux, soit 12 milliards de dollars, le peuple va devoir produire plus et consommer moins. Les produits agricoles sont exportés en masse, l'éclairage public est supprimé, le chauffage rationné. Dans les maisons, c'est 14 degrés, pas plus. Pendant près de 10 ans, les Roumains, plongés dans le noir, crèvent de faim et de froid. Nadia, elle, continue d'être trimballée de cérémonies officielles en représentation sportive. C'est un symbole. Elle n'a pas son mot à dire, elle ne l'a jamais eu d'ailleurs. En 1984, elle met fin à sa carrière de gymnaste professionnelle. La star reprend alors le chemin de l'école pour apprendre l'éducation sportive. Sur les bancs de l'université de Bucarest, elle rencontre Nicu Ceaușescu, fils de successeur autoproclamé du potentat communiste. L'homme de 10 ans son aîné a la réputation d'un coureur de jupons, brutal, autoritaire. Il sait prendre Nadia, elle refuse, il insiste, on ne s'oppose pas au désir du prince héritier. Cette idylle forcée entre l'ex-petite fée de Montréal et le fils du dictateur alimente tous les fantasmes, toutes les jalousies. On l'a dit privilégié, protégé, choyé, mais il n'en est rien. Malgré les médailles, malgré la célébrité, elle partage avec son peuple les tickets de rationnement, les bus bondés et la peur omniprésente. Elle n'a plus aucune perspective d'avenir. Alors, pendant des années, elle rêve de rejoindre Bella et Marta aux États-Unis. Mais le courage lui manque. Jusqu'à cette nuit glaciale du 26 novembre 1989. Lors d'une soirée entre amis à Bucarest, elle rencontre Constantin Panet, un exilé roumain émigré aux États-Unis, qui lui propose de l'aider pour 5 000 $. Elle a 28 ans. Une moue d'enfant boudeuse, un corps fragile et souple, la gymnaste roumaine Nadia Comăneci n'avait que 15 ans aux Jeux Olympiques de Montréal en 1976. Tout sourire, Nadia Comaneci est arrivée visiblement très heureuse et détendue hier à l'aéroport Kennedy de New York après sa fuite de Roumanie mardi soir. « Je voulais mener une vie libre », a dit aux centaines de journalistes qui l'attendaient, celle qui fut la reine des Jeux Olympiques de Montréal en 76. Un chagrin d'amour, une tentative de suicide, l'alcool, elle a quitté la Roumanie clandestinement pour se réfugier d'abord en Hongrie, puis sans doute en Occident. Sitôt averti, le régime de Ceausescu a en effet mobilisé ses services secrets pour rattraper la petite fée de Montréal, qui a été l'ambassadrice et la fierté de son pays pendant des années. Blouson en jean bleu foncé, pantalon assorti dont le bas disparaissait dans les bottes. À 28 ans, l'enchanteuse de Montréal paraissait épuisée. Elle s'engouffrait dans un bureau de la Paname où elle se laissait convaincre de tenir une conférence de presse. En 5 minutes, devant près de 150 journalistes, elle affirmait que les derniers événements de l'Est n'avaient en rien influencé son départ et elle voulait avant tout vivre dans un pays libre. Lorsqu'elle fuit vers l'Ouest, la guerre froide joue son dernier acte. Depuis des mois, le monde assiste à l'effritement du bloc soviétique. Les uns après les autres, les États satellites communistes s'effondrent. En mai 1989, la Hongrie ouvre la première brèche dans le rideau de fer. Puis de Budapest à Prague, de Varsovie à Sofia, le mouvement des révolutions pacifiques s'élance. Jusqu'au plus fort des symboles, l'apothéose, le 9 novembre 1989, avec la chute du mur de Berlin. En Roumanie, le génie des Carpates, devenu génie des Carpettes, veut encore y croire. Le 20 novembre 1989, au 19e congrès du Parti communiste, Ceausescu est réélu à la tête du parti au cours d'une énième mise en scène qui sera la dernière. Car au mois de décembre, un soulèvement populaire renverse 24 ans de dictature. Lorsque Nicolae et Elena Ceausescu sont exécutés et finissent dans les poubelles de l'histoire, Nadia vit aux États-Unis depuis près d'un mois. Alors, inexorablement, sa fuite fait débat. La petite fille chérie du régime a-t-elle senti le vent tourner ou bien était-elle simplement à bout de force, comme la majorité du pays? Nadia Comaneci refait sa vie en Oklahoma, loin d'une Europe qu'il a adorée, enviée, critiquée. Elle dirige aujourd'hui un centre d'entraînement avec son mari Bart Conner, ancien champion olympique de gymnastique. Aux États-Unis, elle est restée la première star communiste. Pour ceux qui l'ont vécu, ceux qui ont regardé en direct le JO de Montréal ce jour de juillet 76, elle est à jamais Nadia, une petite roumaine de 14 ans qui révolutionna la gymnastique. Elle ne souriait jamais, elle s'envolait dans les airs, elle chantait des chansons douces aux journalistes, sa poupée sous le bras. Je suis un petit garçon de bonne figure qui aime bien les bonbons et les confitures. Si vous voulez m'entendre, je saurai bien les manger. La bonne aventure. One more time. But... Can you stand upon one leg? It's harder than you think. If you can do it without falling down, you can do just about anything. Go on, see if you can. See how long you can stand on one leg. Your dad at chess. It's harder than you think. Sit him down at Christmas, turn the TV off, give him lots of chocolates and a drink. Than you think. One that's not too short. that makes the milk come out your nose. If you know a funny joke, then tell it now. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Nadia Comăneci avec notre invitée, l'historienne Catherine Durandin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de la Roumanie. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur le couple Ceaușescu. En 2009, en collaboration avec Hertz, vous avez publié chez Bourin Édition le livre intitulé « La mort de Ceaușescu, la vérité sur un coup d'État communiste ». Et vous terminez actuellement, je crois, un ouvrage intitulé « Ma Roumanie communiste ». Ce « ma » m'intrigue. Pourquoi « ma Roumanie » ? Oh, c'est simplement parce que je n'ai pas de prétention à un savoir objectif, donc c'est le récit de mes expériences roumaines depuis mon temps lointain d'étudiante jusqu'à aujourd'hui et essentiellement pendant la période communiste. Alors, quelle place tient la Roumanie dans le bloc de l'Est dans les années 70? Parce que le bloc de l'Est n'est pas un composite homogène, c'est pas homogène. Hein. Non, absolument pas. On a l'Allemagne de l'Est qui est un cas spécifique, qui met en place un régime d'Exetzel, finalement, tellement bureaucratique, parce qu'ils sont allemands, ils considèrent qu'ils doivent être les meilleurs là où ils sont. Vous avez la Hongrie qui est en marge, une politique économique collectiviste, on parlait du miracle hongrois. Vous avez la Bulgarie qui est affidée à l'URSS pour des raisons culturelles et historiques. On va pas les faire tous. On arrive à la Roumanie. Quelle place tient la Roumanie ? La Roumanie a un petit peu de place à part parce qu'elle s'est manifestée en 1968, c'est-à-dire Ceaușescu s'est manifesté en août 1968 en condamnant comme une erreur de stratégie et d'idéologie aussi l'intervention des soviétiques à Prague pour freiner, pour casser l'évolution humaniste, socialiste, humaniste des Tchécoslovaques. Mm-hmm. Donc ça a été un moment extrêmement étonnant, parce qu'on s'est demandé, mais qu'est-ce que c'est ce régime communiste qui est dans le bloc, ce pays qui est membre du pacte de Varsovie depuis la fondation du pacte, qui n'a jamais quitté le pacte, qui ne quittera pas, qui prend une position divergente en considérant qu'il fallait laisser aller la réforme en Tchécoslovaquie, parce que chaque pays a vocation à développer un socialisme patriote, national, selon son rythme, selon ses voies. Ça a amené des intellectuels, et j'en connais plusieurs, toute une population à voir en ce Ceaușescu, notre Ceaușescu, ouais. Et à créer une véritable ambiguïté, dont la Roumanie a su très très bien jouer en prétendant être un pays dissident de l'Union soviétique, ce que la Roumanie n'a pas été. Si, le moment de la dissidence de la Roumanie par rapport à l'Union soviétique, c'est novembre-décembre 89, quand Ceaușescu à Moscou, le 3 décembre à Moscou, lors d'une réunion du pacte de Varsovie, dit à Gorbatchev, c'est lui le mandarin, Ceaușescu. Gorbatchev, c'est un genou, il y a une cinquantaine d'années. Ceaușescu dit, relisez Lénine, que faire, 1903, ne touchez pas à l'héritage de Staline, sinon tout va s'effondrer. Et à ce moment-là, il souhaiterait une ouverture du pacte à des pays comme Cuba, le tiers-monde, une transformation du pacte, mais en gardant le pacte de Varsovie. Ça lui a valu la mort. Enfin, je pense qu'elle était prévue d'avant et organisée avant. Oui, mais ça l'a précipité, quoi. C'est le moment qui précipite les choses. Et effectivement, Ceaușescu est habile parce que je crois qu'il bénéficiait, notamment auprès de la France, de statut de nation privilégiée avec laquelle on pouvait très bonnes relations avec la Roumanie. Ça a duré à peu près ce qui est un petit peu indécent. Enfin, c'est une réelle politique qui est allée bien au-delà des affaires droits de l'homme de 1977. En 84-85, ça s'est cassé et Mitterrand a suspendu un voyage qu'il devait faire en Roumanie parce que la Securitate roumaine avait eu la mauvaise idée quand même de vouloir exterminer en France deux dissidents roumains qui ont été protégés par la DST, dont l'un, Virgile Tanaz, qui est un romancier et écrivain, bien sûr, a été caché en Bretagne pendant 2 mois. Il n'en sait pas s'il était tué, s'il était mort, s'il était reparti. En fait, il était protégé contre un attentat possible de la part des Roumains. Donc, ça a commencé à faire beaucoup du côté roumain. Et c'est à ce moment-là que commence toute la... Je dirais quand même la propagande, parce qu'il y a des formules que je n'admets pas, c'est-à-dire un dictateur aux yeux fous, un Dracula des Carpates, un grand malade, enfin, regardez le film de son procès. Il n'a rien à malade, cet homme. Ah, il a rien à malade, cet homme. Il l'a un peu quand même lors de son discours pathétique devant son palais, là, où la foule se dresse, il comprend rien. Non, mais il a l'air totalement halluciné, quoi. Il n'est pas halluciné, je crois. Il fait extraordinairement froid. Il a l'habitude, depuis 1965, de manifestations sans jamais un mot contre. Il s'est fait ovationner pratiquement toutes les trois phrases lors du dernier congrès du Parti communiste, où il y avait sûrement un grand nombre de traîtres dans l'Assemblée, il était ovationné et réovationné. Il se retrouve là, au balcon, où on lui a dit, allez au balcon, refaites le coup de 68. 68, c'était le balcon. Alors, pour lui, 68, c'est le balcon, 89, ça doit être le balcon. Ben là, le balcon, ça devient le début du coup d'État. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la foule l'a eu, il faut l'embarquer en hélicoptère, poser l'hélicoptère, et l'embarquer dans la caserne où il a été jugé dans un tribunal révolutionnaire et exécuté. Mais moi, lors de son procès, je pense qu'il est loin d'être fou. Il connaît parfaitement bien les institutions de sa République, puisqu'il est président de la République, en plus de chef du parti, président depuis 1974, il dit « je vais juger devant la Grande Assemblée Nationale ». Ben normalement, c'est comme ça que ça se passe. Non, il n'a pas compris que c'était une sorte de procès révolutionnaire. Bon, il le comprend quand même en disant « c'est un coup d'État mené par l'Ouest et par l'Est », ce qui est parfaitement juste. C'est lui qui l'a dit le premier, merci pour les historiens, je veux dire, merci à Ceausescu. Non, donc là, on a eu une propagande, enfin une information qui nous a amené ensuite à croire n'importe quoi. C'est-à-dire le charnier Timișoara, il y aura eu à Timișoara 6000 morts. Oui, ça d'accord. Hein, on est bien d'accord. C'était une des premières grandes leçons pour tous les journalistes d'ailleurs. Leçon pas forcément retenue, mais c'était une vraie leçon. Oui, moment où on est tellement dans les mots de la démesure que n'importe quelle démesure nous semble plausible dans ce pays-là, après tout. Et moi, je me suis demandé, à ce moment-là, j'ai commencé par pleurer. Et ensuite, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait en une nuit? Ils ont trouvé 6000 corps, ils les ont empilés, ils les ont rangés. Et pour faire mieux, ils ont mis dessus une femme morte avec un bébé dessus. C'est pas possible. Alors, on va revenir, parce que là, on est allé un peu vite dans l'histoire, on va revenir sur Nadia Comăneci. Alors, dans les pays du Bloc de l'Est, tout est politique, hein. Et le sport est éminemment politique, c'est clair. Nadia Comăneci, pour le régime roumain, qu'est-ce qu'elle représente à partir de 76? Elle représente la jeunesse parfaite. Et en même temps, un produit du régime, parce qu'elle a un bon entraîneur. C'est vrai qu'il y a des moments où Ceausescu est irrité par la personnalité de son entraîneur qui appartient à la minorité hongroise, mais son coach, elle y tient. Et le choix des États-Unis par son coach en 1981 sera un désastre pour elle, parce qu'elle était très attachée au couple que Marta et Bella représentaient. Donc c'est un bon produit de la pédagogie communiste, c'est la discipline dans la perfection, c'est l'image de success story de la Roumanie, à un moment en 76 où commence le mouvement Helsinki droits de l'homme. Donc c'est extrêmement positif de sortir une petite mignonne adorable qui chante, qui parle un petit peu français, vous vous rendez compte, et après les langues étrangères, qui est d'une famille pauvre, parce qu'il y a une promotion sociale en Roumanie, on a des impôts socialistes, mais absolument pas égalitaires. Bon, famille pauvre, on a tout pour plaire. Et la gamine, avec sa petite queue de cheval, qui nous fait une gesticulation absolument sportive, absolument miraculeuse. La date compte, je crois, 76. Pourquoi? Parce que c'est le début d'un moment droit de l'homme, de contestation. Helsinki, Helsinki, on peut le rappeler d'ailleurs, aux auditeurs. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on sort un gadget de triomphe, et qui n'est pas un gadget, qui est une réalité en plus, pour une fois, c'est une réalité, à un moment de difficulté. Ensuite, ce qu'il y a dans l'histoire de Nadia qui est très frappant, et là je suis pas tout à fait d'accord avec le récit, enfin la narration que vous proposez, sur ces années sombres qu'elle a vécues. Oui, la Roumanie a vécu des années effroyablement difficiles, de pénurie, de contrôle, de démentiel culte de la personnalité qui était quand même écrasant et handicapant et gênant et honteux pour une partie de la population. L'écart aussi entre la magnificence des cortèges, des célébrations et la réalité extrêmement sombre de la vie quotidienne. Mais, et là je voudrais revenir à la famille Ceausescu et à Nadia Comăneci, vous avez raison de l'avoir collée dans zone sensible. Dans la mesure où rien n'est clair. Rien n'est clair. Dans la mesure où elle n'a pas vécu les années 80 dans la détresse la plus totale. Alors expliquez-nous, c'était quoi la réalité de après donc la fin de sa carrière? Finalement, la fin de carrière, on la présente comme catastrophique. Mais enfin, bon, c'est quand même une belle fin de carrière, parce que c'est quand même médaille d'argent. Bon, c'est normal qu'à un moment, elle soit dépassée par des jeunes gymnastes un peu plus jeunes qu'elle. Oui, c'est la loi du sport. C'est la loi du sport, exactement. Mais que se passe-t-il après? Quelle est la réalité de Nadia Comăneci et de sa vie en Roumanie? C'est quoi? Alors, vous avez dit, à juste titre, qu'elle est baladée dans les cérémonies officielles. Mais balader dans les cérémonies officielles, ça veut dire assister au repas officiel, ça veut dire t'habiller, hein, ça veut pas dire arriver délavé, défaite, en train de mourir de faim dans la Roumanie communiste. Bien sûr. Ça veut dire être une vedette. En tant que vedette, elle est bien traitée. Et mieux, elle a une rencontre, une aventure, une relation amoureuse avec un des fils de Ceausescu, Nikou, qui a été présenté dans la propagande un peu déferlante des années 80 comme un violeur, alcoolique il était, il en est mort, il est mort d'une cirrhose du foie en 1996, mais violeur, Nikou Ceausescu, quand on regarde les images et les photos, je crois qu'il n'a pas besoin de violer, enfin ça va, c'est un playboy Don Juan, et il a eu une relation avec Nadia, alors plusieurs interprétations. Évidemment, elle profite du système. C'est quand même la personne à choyer dans la mesure où ce Nikou est l'enfant, le fils adoré, adoré, le soleil de sa mère Elena. Et pour Elena, c'est Nikou qui succédera à Nicolas Ceausescu. Il était Nikou, il a été placé en 1987 à Sibiu, à la tête du département de Sibiu pour le Parti communiste. Il a une très belle demeure à Sibiu et on y voit Nadia qui vient le rencontrer dans une voiture qu'il lui a achetée. Enfin, c'est pas la Roumanie de la base, hein, c'est la Roumanie des vedettes de sport et avec une relation avec Nikou Ceausescu. Ce qui est intéressant, et voilà pourquoi zone sensible, c'est qu'elle le nie. Elle le nie. Mais et elle est partie mi-novembre 89. Moi, je veux bien qu'elle en ait eu marre du froid de l'hiver 89, qu'elle ait quand même senti que le mur de Berlin était tombé. Mais si elle n'avait pas eu la trouille de représailles, elle serait peut-être pas partie aussi vite. Bon, donc il y a la vision de la pauvre Nadia qui était violée, enfermée, terrorisée, trimballée. Il y a la vision de la Nadia qui est une maligne, bon, et qui a un caractère extrêmement fort, cette fille, cette femme, et une discipline, une volonté de faire. De réussite. Donc il part au bon moment au cas où il y aura un problème, qu'il y a les contacts, parce que l'histoire de rencontrer en une soirée quelqu'un qui vous prend 5 000 $ pour vous embarquer, on arrive à New York en pleine forme, je n'y crois pas. C'était pré-préparé. Donc elle s'en va au bon moment, pense-t-elle, pour elle, et elle retombera parfaitement sur ses pieds aux États-Unis. Maintenant, il y a une personne, la famille Ceausescu, qui est très mécontente du récit, ou plutôt de l'évitement de récit de la part de Nadia concernant sa relation avec Nikou. C'est une nièce de Ceausescu qui a écrit un livre récemment de témoignage, je ne regrette rien, je ne me plains pas, etc. Et elle parle de Nikou, non pas pour le réhabiliter, parce qu'elle considère que tout ce qui a été dit était faux, mais c'est pas une réhabilitation. C'est un texte de famille, j'aimais mon cousin. Mon cousin était un Don Juan, il aimait l'alcool, c'est vrai, il aimait les femmes, et il a aimé une femme dans sa vie, ça part, j'ai d'en trouver d'autres, mais il a aimé une femme au lycée. C'était évidemment dans le lycée de la nomenclature, donc une fille d'un nomenclaturiste, mais malheureusement, cette Donka Mizi avait un défaut, c'est qu'elle était une enfant adoptée par un grand nomenclaturiste. D'où suspicion de Elena Ceausescu, si elle est adoptée, on ne connaît pas ses origines, ouais, ethnique, il se peut qu'elle soit zigane. Donc, pas liaison de mon fils avec cette Donka. À la veille de sa mort, Ceausescu fils, Nikou, a appelé sa cousine pour dire « Va dire à Donka qu'elle a été l'amour de ma vie et la femme de ma vie. » Catherine Durandin, qu'est-ce qui vous anime à défendre, comme vous le faites, la famille Ceausescu? Parce que vous voulez rétablir des vérités par rapport à ce que vous imaginez comme des propagandes, ou qu'est-ce qui vous fait courir dans ce sens-là? Je ne défends pas du tout la famille Ceausescu, mais je m'insurge contre un discours de l'irréalité, c'est-à-dire un discours complètement décalé d'une vérité. La famille Ceausescu, ce sont des gens communistes. Ceausescu a été quand même, a fait des années de prison pendant la période fasciste, c'est un militant, borné, inculte, brutal, convaincu d'avoir raison, absolument entêtée, elle n'est rien qu'une ambitieuse. Elle est une louve dans la protection de ses enfants. Elle a complètement cassé sa fille Zoya, cassé son fils Nikou, cassé l'amour de son fils. Mais elle n'est rien. Lui est un stalinien décalé par rapport au contexte de son époque. Et c'est là qu'il y a dérive. C'est dans le culte de la personnalité qu'elle a mis en place autant que lui. Alors, on va aborder une dernière considération. En préparant cette émission, nous avons été surpris des commentaires de l'époque sur le corps de Nadia. Je rappelle qu'il avait 14 ans quand même. Sans cesse disséquer, analyser, on dirait c'est le sport, oui, enfin quand même. Comme si tous refusaient qu'elle puisse grandir aussi, devenir une femme, tout simplement. Comme dans cette archive, par exemple, qu'on va écouter ensemble. Nous sommes le 24 octobre 1976, quelques mois après les JO de Montréal. Nadia fait une exhibition de gymnastique en France. Et voici le commentaire lorsqu'elle passe sur la poutre. Alors que, championne olympique, Nadia apparaît sur cet appareil qui lui a valu 3 10 au cours des Jeux de Montréal. Alors remarquez, bien sûr, son corps a peut-être un petit peu changé. Elle quitte l'enfance pour entrer dans l'adolescence, ce qui explique que, bien sûr, que n'a plus le corps d'enfant que nous avions découvert il y a 4 mois. Mais elle pèse 41,5 kg, et lorsqu'elle aura repris cet entraînement intensif, elle retrouvera sa ligne parfaite. Alors la presse écrite avait été encore plus dure, parfois indécente, en disant au fil des articles, la petite fée devient une matrone grassouillette, trop maquillée, d'excite le journal L'Équipe. Ça témoigne d'un rapport particulier au corps des jeunes filles. Peut-être qu'aujourd'hui on n'entendrait pas ce genre de discours. Non, aujourd'hui ce serait vraiment pas politiquement correct de mesurer le tour de cuisse d'une athlète. Mais je crois que c'est une nostalgie de Lolita. Et que peut-être, parce que c'est une fille de l'Est, on peut se permettre n'importe quoi. On peut dire n'importe quoi. Je suis pas sûre qu'on aurait dit la même chose d'une Lolita américaine. Ouais. Je ne sais pas. J'ai été aussi très choquée par ces commentaires, cette espèce de voyeurisme même, savoir à quel moment elle aura ses règles ou pas, les premières règles. Enfin, il y a une sorte de calendrier d'hygiène ou de voyeurisme à l'égard de Nadia Comaneci qui m'a profondément choquée. Il faut dire aussi que, alors en Roumanie, par rapport à la femme ou aux petites filles, il y a eu un tel plaisir à voir quelqu'un de différent, parce que la femme qui se met en avant à partir de 1974, Ornadia s'épanouit en 1976, c'est Elena Ceaușescu. Elena Ceaușescu, c'est vraiment pas un modèle d'attraction, enfin, c'est madame n'importe qui gère son communisme comme une recette de cuisine en prenant le meilleur pour elle. Bon. Et l'autre modèle, enfin anti-modèle, ça avait été dans les années 50, cette passionnaria gorgone qui était Anna Paucher, qui elle était l'inverse de Madame Ceaușescu, qui était une femme totalement libre dans sa vie, une femme aventurière, une femme d'un milieu juif pauvre, mais qui avait été formée à Moscou et qui était soutenue par Molotov et qui portait des robes noires, des petits collets de perles, des manteaux de vison, mais on lui reprochait pas à elle. Alors que Madame Ceaușescu, dès qu'elle sort de fourrure, on s'indigne. Elle démultiplie les fourrures, c'est ce qui est paru d'ailleurs en 1989. La pauvre, avec ses... Je dis, voyez la peau. Bah oui, enfin, voilà. Non, mais enfin, quand même. On a parlé, mais dit... on a parlé de ses chaussures avec des morceaux d'or, c'était des Jourdans avec des clips. Enfin, c'est... Catherine Durandin, on va finir sur cette considération qui n'est pas la plus importante. Mais il se trouve qu'il y a une pendule. Puis quand c'est la fin de l'émission, c'est la fin. Bah écoutez, merci pour beaucoup. Cette merci, Catherine information. Durandin. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le destin de Nadia Comaneci, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, la fiction, elle sera consacrée à la comédie musicale Hippie. Un vrai tournant. Hair.